Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taqaddam ma'ana قول الإمام محمد بن عبد الوهاب اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أو تعلم أربع مسائل. C'est quoi ces quatre مسائل qu'on doit absolument savoir chaque مسلم؟ الأولى العلم. الثانية عندك العمل بها. الثالثة الدعوة. الرابعة الصبر على الأذى. هذه المسائل الأربع. Elles sont importantes. Et il a expliqué dans le premier dars al-ilm. Na'am, fa huwa ma'rifatullah, ma'rifat nabiyhi wa ma'rifat din al-islam bil adillah. Et ces trois choses, ces trois fondements, c'est al-usul al-thalatha que Cheikh al-Islam il va détailler dans cette risala. Thumma qala al-thaniya al-amal bih. Qala Cheikh Abd al-Aziz Ibn Baz rahmatullah alayhi, ay an ta'mal bihadha ad-din. من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى فتعمل بالإسلام. فنطخ الدين سان دين دو عمل عقيدة إيمان الإيمان بالله وبالملائكة وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره الإيمان تسكي من علم الغيب. Que Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran, ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a démontré, on doit croire en had. Kadhalik, ce ilm, cette foi, ça doit impliquer l'amal. Léanna, le fruit de ce iman, c'est l'amal. Qala, léannaka makhlouqun lah. Qala, azza wa jal, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Et l'ibada, كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. C'est ça l'ibada. Tout ce que Allah il aime comme parole ou acte apparent ou caché. C'est ça l'ibada. قال ومخلوق لعبادة الله فعليك أن تعلم وتعمل به فتعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. سيد des exemples رحمة الله عليه. وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبر والديك وتصل الأرحام. Ça nous montre que l'islam c'est un dîn complet. Et c'est pour ça que nous on doit faire des efforts dans les fondements awwalan, comme ces trois usul qu'on étudie ensemble, comme usul al-aqida. Et inshallah, après, tu construis sur ces fondements. Tu n'oublies pas l'ibada. Tu fais des efforts dans le bon comportement. Tu fais des efforts dans le da'wah, autant que tu peux, tant que tu es capable. Et inshallah, ce dîn, il se propage. Et toi, tu es récompensé. Qala wa tasil al-arham ila ghayri dhalik fa ta'mal bima amaraka Allah bih wa tantahi amma nahaka Allah an. On fait les ordres, les obligations et on s'écarte des interdits. C'est ça l'islam. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Prophète صلى الله عليه وسلم nous démontre ce qui nous a ordonné, on le fait tant qu'on peut. Tu peux pas. فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Ce qui nous a interdit, on s'écarte. عَلَى كُلِّ حَالٍ. قَالَ وَتَنْتَهِي عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَتْرُكُ الْمَعَاصِي الَّتِي أَنْتَ مَنْهِيٌ عَنْهَا وَتَفْعَلَ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي أَنْتَ مَأْمُورٌ بِهَا. Et ça, c'est un rad, comme on l'expliquait dans le premier cours. Ceux qui disent que je suis un musulman non pratiquant. L'islam, c'est la pratique. Je suis un muslim non pratiquant, c'est comme s'il dit je suis un muslim, je suis pas un muslim. Les non pratiquants, ça va loin. Si on prend sa phrase à la zahiriya, je suis non pratiquant, je pratique pas tawhid. Les tawhid, tu dois pratiquer, tu dois adorer Allah seul. Il fait pas salat, il pratique pas, il fait pas le hajj, il fait pas siyam, il a aucun amel. C'est ça le musiba qu'on vit. Anna ba'dahum, ils ont une compréhension de l'islam avec la compréhension de a'da'ullah. La compréhension qui est fondée sur les passions. et sur Ittiba' Junud Iblis. Qala Cheikh al-Islam al-Thalitha al-Da'watu ilayh. La troisième mas'ala après l'ilm, et wallillahi alhamd, on a lu l'ilm, ay connaître Allah, son messager et din l'islam, al-amalu bih. Les fruits de ce ilm, c'est al-amal. C'est comme un arbre. Un arbre sans fruits, tu ne vas pas profiter de cet arbre. S'il a des fruits, tu vas profiter. Hakad al-ilm. Si tu veux que ce ilm soit bénéfique, al-amal. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. Le Coran, c'est une preuve pour toi ou contre toi. Il est pour toi si tu appliques. Il est contre toi si tu appliques pas. ثم قال الدعوة إليه. Tu dois faire الدعوة. لكن tu fais الدعوة du ilm que tu as appris. Donc ça implique que cette دعوة c'est basé sur l'ilm. أما الدعوة بغير علم, comme ils font al-juhal min jama'at al-tabligh, ça c'est pas الدعوة إلى الله. Ça c'est الدعوة إلى الفرقة, et leur groupe. الدعوة إلى الأهواء, et ils aiment cette chose, c'est devenu des passions pour eux, donc ils la font. أما نحن لا, الدعوة c'est du din. On l'a fait comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a montré. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه أي أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه. في الحقيقة t'es très utile pour les gens si tu fais هذا. Et si les gens ils comprendraient, ils sauraient le profit que tu leur apportes, ils rejetteraient jamais الدعوة إلى الله. قال وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. Ça c'est من أصول ديننا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام. فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه. نعم, la دعوة c'est pas réservé pour un tel ou pour un groupe de personnes. لا شك أن الدعوة العامة pour جميع المسلمين, ils sont réguliers et leur vie elle est fondée sur ça, c'est l'ulama et talabat al-ilm. Lakin chaque musulman par rapport à son niveau et à sa capacité, il doit montrer. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Si tu as appris maintenant qu'il faut faire salat, c'est une obligation de faire salat, la délaisser c'est de la mécréance, kufrun, comme il a démontré Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Si un proche, un membre de ta famille, un voisin il ne fait pas salat, tu dois le conseiller. On ne va pas dire dans ce cas, c'est que pour les savants, je ne parle pas là. Tu parles, laquelle on conseille que tu montres bi-adab, un bon comportement, et bi-ikhtisar. Très simplement, la salat c'est obligatoire, tu lui montres que tu veux son bien, ce qu'il risque, et il doit la faire. Et si en même temps tu lui donnes un audio, un livre qui explique, enfin, alhamdulillah, t'as fait ce qu'il fallait faire. Amma se taire, tu te tais, moi je me tais, tout le monde se tait. Là, on a une responsabilité. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فباللسان. تأمل قوله من. C'est من الألفاظ العموم. من رأى, et celui qui voit. Donc si toi t'as vu, tu dois enlever ce munkar. Bien sûr, avec ta capacité, et si t'as du ilm. Si t'as pas les capacités, ne t'impose pas. Et si t'as pas du ilm, apprends. قال فكل واحد الرجل أو امرأة عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة والإرشاد والنصيحة وأن يدعو إلى التوحيد وإلى الصلاة والمحافظة عليها. Et vous avez remarqué que le Cheikh rahmatullah alayhi, il a commencé par le tawhid. Ça c'est important. كثير من الناس, ils font des shirkiyat, ils vont chez les sorciers, ils ont une aqida sur les morts, sur les awliya. Là, on doit les conseiller. Lakin pour les conseiller, on doit apprendre le tawhid. C'est pour ça qu'on étudie ensemble ce genre de risale. Hatta si tu parles, inshallah, tu parles bi'ilm. Kadalika as-salah, le deuxième pilier de l'islam. Qal wa ila az-zaka wa ada'iha wa ila sawm ramadan wa hajj baytillah aw wa hajj al-bayt man ma'a al-istita'a wa ila birr al-walidain wa silat al-arham wa tark al-ma'asi kulliha. Donc, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, dans les exemples qu'il a cités, il y a un ordre. Il a commencé par le plus important, at-tawhid, Thomas les piliers de l'islam, et qu'à d'aller qu'il a cité des choses importantes comme la bienfaisance envers les parents, les liens de parenté, délaisser les ma'asi, bien sûr, al-shirk, al-riba, al-zina, etc. ثم قال شيخ الإسلام الرابعة الصبر على الأذى فيه. Quatrième mas'ala qu'on doit tous apprendre, la patience. لأن العلم il a besoin de patience. العمل t'as besoin de patience. الدعوة t'as besoin de patience. Tout ton din, tout ce que tu veux, t'as besoin de patience. Si t'as pas de patience, tu te feras du mal dans l'ilm. Il faut patienter, tu délaisseras. Dans l'amal, tu délaisseras certains amal. Et al-da'wa. Al-da'wa, tu ne pourras pas. Al-da'wa, tu seras critiqué, tu ne seras pas toujours écouté, tu seras accusé. Et ça, ça montre husn, al-tirtib. Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, il a cité les quatre masa'il, il a cité le sabr à la fin. Avec ce sabr, tu préserveras ce qu'il a cité avant. Donc, on fait des efforts fil ilm. On fait des efforts fait l'iman, l'amal. On fait des efforts fait da'wa. Et on fait des efforts fait sabr. Avec ces quatre choses, incha'Allah ta'ala, tu seras à la al-jadda. Tu seras à la haqq. Et tu seras à la thabat. Qala al-Sheikh Abdul Aziz, rahmatullah alayhi, ay yasbir ala al-adha fi hadhihi al-ashya. Faqad yahsul lil-insani adha. Naam, faqad yahsul yaqinan. C'est sûr que tu seras touché par un tel. Ou tu seras accusé par un autre. Ou tu seras découragé. Ça, c'est ma'rouf. Al-Anbiya, afdal al-bashar, ils ont été accusés. Ils ont été touchés. Ils ont été ta'anou fihim. Lakin sabr. Faqad yahsul l'insan adha. Qala qad yat'ab min al-mad'u ou ghayrih. Min ahlihi ou ghayrihim. Sahih. Tu peux être touché par des proches ou des autres. فَالْوَاجِبْ أَصَّبْرُ وَاحْتِسَابْ لَأَجْرَ عِنْدَ اللَّهِ. Et ça, c'est un moyen pour patienter. الْإِحْتِسَابْ. Tu sais que ce que tu fais, il y a une récompense عظيمة. مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Ça va t'aider à patienter fil ilm. Tu sais que t'es sur ce chemin, si tu patientes, c'est le chemin de l'Jannah. Donc tu vas patienter. Tu patientes ala l'amal. Léana, tu connais la récompense. Qala azza wa jal, inna lil muttaqina mafaza. Wa qala ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Et dans l'autre ayah, faqad faza fawzan azima wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Celui qui obéit à Allah et à son messager et à l'amal, faqad faza fawzan azima. Il a une énorme récompense. تصبر على الدعوة لأن celui qui propage du khayr فله أجر فاعله. Si tu propages هذا الخير, t'as la même récompense que ceux qui font. Et c'est la mission des prophètes de propager le khayr. العلماء ورثة الأنبياء. أنت, tu sais que toutes ces récompenses تحتسب. Tout ça لله. Tu fais pas ça pour ton nefs. Tu ne fais pas ça pour dunya, tu ne fais pas ça pour que les gens y disent. Tout ça, l'Allah, et tout ce que tu vas endurer comme épreuve, maladie, pauvreté, accusation, tout ça, par rapport à ce ihtisab, ça ne te fera aucun mal. Bel, ça te motivera. لِأَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَا ثُمَّ الْأَمْثَلْ فَالْأَمْثَلْ. Les gens qui sont le plus éprouvés, c'est l'Anbiya. Après ceux qui viennent ensuite, par rapport à leur iman. يبتلى المرء على قدر الدين قال عز وجل صلى الله عليه وسلم الانسان il est éprouvé par rapport à son din. واذا احب الله قوما ابتلاهم كذلك. Si Allah aime un peuple, une personne, il les éprouve. Tout ça, c'est l'ihtisab. Donc les accusations, ça te fait aucun mal. واعلم ان que tu fasses da'wa, que tu ne la fasses pas, que tu ne la fasses pas, tu طلب العلم, tu ne le طلب pas, Tu fais des amal, tu fais des efforts, ou tu ne fais pas, tu seras critiqué. Tu seras critiqué, les gens ils critiquent toujours. Donc, anta, tu fais des efforts et t'appliques le pourquoi tu as été créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et أهم شيء, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala yarda ank. Ama l'ibad, t'arrivera jamais. Et l'ibad, ils peuvent rien te donner. S'ils te critiquent, ils peuvent rien t'enlever. لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. S'ils se réunissent tous, al-jinn wal-ins, pour te faire un mal, ils pourront rien te faire, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété telle chose. Donc là, tu t'aibes nafsak. Avance, fais du khayr. Wa'alam an al-aqibata lil-muttaqin. Tu dois être sûr que la fin, c'est pour le muttaqin. Et al-jannah, la réussite. Kadhalik, ce qui va t'aider à patienter, c'est que ça s'arrêtera. Al-dunya, c'est très court. Tu vas être éprouvé 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Toi, tu meurs. Si tu meurs à la tawhid, à l'ilm, et à la da'wa, à l'amal, et les 4 masaïl qu'il a cités, Inch'Allah, t'es min al-fa'izin. Toi, c'est Jannat al-Khuld. Jannat al-Khuld a été récompensé éternellement pour ce que t'as enduré. Tout ça, bifadlillahi azza wa jalla. Donc, ça t'aide. Ta'lamoun anna ba'd an-nas est patiente pour quelque chose de futile min umour al-dunya. بعضهم يباسيونت في العلم با العلم الشرعي علم الدنيا مثلا ان ديبلوم دون لا ميديسين اوت يتعب دي 5 10 ans il dort très peu, il fait beaucoup d'efforts pour avoir ce diplôme, et ce diplôme ربما ça sera la cause qu'il a un salaire de quelques centaines, quelques milliers d'euros, c'est tout, c'est ça le but de son sabr. انا حلوس الجنه بعضهم يباسيونت والعياذ بالله pour des choses de haram. Il a un commerce haram, il fait de l'argent haram. Et patient. Il va en prison. Il se fait accuser. Il se fait agresser. Tout ça, il patiente pour cet argent haram. C'est ça qui l'aide tous les matins à se lever et à continuer. Nous, là, nous, c'est l'amal salih. Nous, c'est se rapprocher d'Allah. On doit être encore plus patient que Haoula. Et eux, leur patience, c'est fait al-batil. Ils rendront des comptes sur le qiyam. Et nous, Inch'Allah, notre patience, c'est fillah. Tout ça, ça nous aide. قال الشيخ عبد العزيز فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه. Tu dois patienter pour faire et tu dois patienter pour délaisser. Faire les obligations, appliquer le tawhid, faire salat à l'heure, faire le hajj, sortir le zakat, faire le siyam, tout ça, ça demande du sabr. فلهذا بعض الكفار quand ils entendent que le musulman il fait siyam en plein été, il ne mange pas, il ne boit pas, du fajr jusqu'à al-ghuroub, ils sont étonnés. Ils n'ont pas de sabr. Nous, walillahi alhamd, on y arrive. Pourquoi? Parce qu'on espère. Et on espère la récompense indallah. C'est pour ça que tu peux t'abstenir de boire, même s'il fait très chaud en plein été pendant des heures. Et tout ça, c'est une épreuve. Kadhalik sabr pour al-zakat. Sortir son argent, sabr pour le hajj, se déplacer, la fatigue. Al-muhim al-muslim, il a besoin de sabr pour ta'a. Kadhalik al-sabr pour éviter al-ma'asi. Patienter pour ne pas tomber dans zina. Patienter pour ne pas faire de la médisance. Patienter pour ne pas être injuste. Patienter pour ne pas dévier. Toujours la patience. قال ويصبر في الدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kadhalik patienter dans ces points. Montrer. لأن quand tu montres à une personne, ça ne veut pas dire que cette personne elle va accepter. Il peut rejeter, il peut mal te parler, il peut te faire des problèmes. لكن أنت t'es un musulman, t'es à la ilm, tu regardes la masalih ou la mafasid et t'attawakkal à Allah et tu montres et t'asbir. في الحقيقة il te fera aucun mal, aucun mal, il se fait du mal qu'à lui-même. لكن أنت patient. قال فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها فالدين كله يحتاج إلى الصبر صبر على دعوة الله وحده والصبر على أن تصلي وتزكي وتصوم ونعم وتصوم وتحج كأنه وتحد كأنه خطأ وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وصبر عن المحارم والسيئات فتحذر من قربها surtout à notre époque. Al-mutamassik, celui qui s'accroche à son din à notre époque, il lui faut beaucoup de sabr. Hatta qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a expliqué qu'à une époque, il viendra une époque, anna al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Une époque, anna celui qui s'accroche à son din, c'est comme s'il s'accroche à une braise. Et c'est cette époque qu'on vit, wallahu ta'ala a'lam. Si tu fais des efforts et t'avances dans ton din, t'es accusé de radicalisme, de telle chose, de telle chose. Esbir, ils te font aucun mal. Wallahi, ça change rien. Ils le disent ou pas, c'est batel, et tu sais pourquoi tu le fais. Et eux, ils le disent, c'est que pour que t'arrêtes. Les nahoum, ils détestent le dire. On patiente. Et plus ils le disent, plus on fait des efforts. Fahakada. Plus ils accusent, plus ils mentent, plus on fait des efforts. On fait des efforts. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Et ces efforts, elles démontreront que c'est des kazab. As-sunni, as-salafi, c'est la personne la plus éloignée, wallahi alhamd, du terrorisme, de l'injustice, du batil. C'est une rahma. As-salafiya, c'est une rahma. Lakin akthar an-nas la ya'qilou. قال والصبر عن المحارم والسيئات فتحذر من قربها. نعم. Et ça c'est un moyen طيب pour ne pas tomber dans les ma'asi, dans les péchés, c'est de ne pas approcher aslan. فالإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه. Celui qui patiente pas, نعم. Il fera des péchés et il délaissera des obligations. لأنه il patiente pas. Et fil haqiqa, c'est surtout au départ. Les obligations, c'est surtout au départ. Au départ, la salat, ça peut être difficile. Aw siyam, lakin, quand le musulman il est sincère, il s'habitue et il sait pourquoi il fait hada, Allah subhanahu wa ta'ala le waffaq, et ça devient très simple. Hakada al-muharram. Surtout ceux, pendant des années, avant de faire tawbah, ils ont vécu, ils ont fait ces muharramat au départ, c'est difficile. Thumma, le abd il est sincère, il fait des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala il le waffaq, ça devient normal de les délaisser. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُولِ. Patiente. Comme les rusuls, ils ont patienté avant toi. Et nahnu, on est des suiveurs de ha'ula. Donc on doit patienter comme ils ont patienté. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, كَمَا تَعْلَمُونَ, ils l'ont frappé. Ils l'ont chassé de Mecca. Ils l'ont accusé. Majnoun, sahir, kadhab. Ils ont tué ses compagnons, ou certains de ses compagnons. Injustice. Il savait très bien qu'il était véridique, il avait le meilleur comportement et il voulait leur bien. Lakin al-kufr wal-inat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté. Fa nahnu al-an, on doit patienter à l'hijra, on doit patienter sur les accusations, on doit patienter sur toute cette injustice. Wal-aqibatu lit-taqwa. قال وقال سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. Ça c'est مهم. Tu dois patienter لأن الله سبحانه وتعالى il a une hikma. Pourquoi il éprouve أهل الخير? Pourquoi الكفراء ils font du mal aux musulmans? Tout ça الله سبحانه وتعالى il a une hikma. C'est pour élever le musulman. لكن tu dois patienter parmi les choses qui vont t'aider à patienter. قال عز وجل فإنك بأعيننا. Tu dois savoir et tu dois avoir la conviction qu'Allah il voit, qu'Allah il entend tout ce macre qu'ils font, toutes ces ruses. Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout et Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas injuste. Donc anta, ça te permet de patienter. Allah subhanahu wa ta'ala il sait. Et ça t'aide, ça te montre l'importance d'étudier l'aqida, l'importance de connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Tu connais ce genre de verset? أَنَّ الْكُفَّارِ ils font du makre, ils rusent. Allah subhanahu wa ta'ala, ils rusent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut. Donc ça t'aide à patienter. Tu sais que c'est des choses éphémères. Ça passera. Et le haqq, il apparaîtra. وَقَالَ تَعَالَى وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Patiente. Et ton sabr, c'est لله عز وجل. On fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Ce verset كذلك il t'aide à patienter. لأن الصابرون Allah subhanahu wa ta'ala il les récompensera sans compter. Ça qu'on veut نحن. أما ce مجرم, ce كافر, ce منحرف qui t'accuse, il veut que tu délaisses telle chose, il va te donner quoi? Il va te donner quoi? Il va rien te donner. Même si tu lui obéis, tu auras un autre groupe de ha'oula qui te critiquera. Donc, asbir est toujours ce genre de verset dans ton cœur. Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Qala wa qala ta'ala wasbir. Inna Allaha ma'as-sabirin. Ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec as-sabirin. Ay yansurhum. Yansurhum, il les secourt. Il les aide. Il leur facilite. Tu sais cela. يعني اصبروا على طاعة الله وترك معصيته واحذروا مخالفة أمره وارتكاب نهيه. C'est ça الصبر. الصبر على طاعة الله. On patiente dans l'obéissance. الصبر عن معصية الله. On patiente كذلك. On fait pas les interdits. والصبر على أقدار الله. On patiente aussi tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a décrété من خير ومن شر. On patiente. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala y fait, c'est bi hikmah. Donc toi, patiente. Ne te précipite pas. Et si tu es à la khair, tu es à la taqwa, inshallah, tu réussiras. Falihada, Cheikh al-Islam, il a cité al-dalil, qal wa al-dalil, qawluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa aminu s-salihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bil sabr. Jamais les insans, ils sont fichus, ils vont à leur perte. Sauf ceux qui ont ces quatre points qu'il a cités. Alladhina amanu, l'iman s'est fondé sur l'ilm, wa amilu s-salihat, al-amal, wa tawasaw bil haq, al-da'wa, wa tawasaw bil sabr, la patience. Qala Cheikh Ibn Baz, wa hadha huwa ad-dalil ala hadhihi al-masail al-arba', fa fi hadhihi as-sura al-'azima, surat al-'asr, al-hujja li hadhihi al-umur, wa hadha huwa ad-din kulluh. Sahih. C'est ça, din. Iman, amal, da'wa et patience. C'est ça, din l'islam. Hamas, qu'ils essayent de nous faire croire islam de France, pas d'iman, ou tu crois ce que tu veux, pas d'amal, ou tu fais ce que tu veux, pas de da'wa. L'islam, c'est à la maison, et encore, et pas de patience. Aucun sabre. Hada, c'est pas de din. Nahnu, notre din, on le prend de ce genre de verset. ولو كره الكافر قال فالذي فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر إيمان بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Donc c'est une ni'ma من نعم الله عز وجل التوفيق إلى الإيمان والعمل c'est une ni'ma. Inch'Allah on continue après l'adhan. قال والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء هم الرابحون. Tu veux réussir et tout le monde a cet objectif, la réussite, إما في الدنيا إما في الآخرة إما les deux. نحن sait c'est quoi les clés de la réussite. الإيمان والعمل الإيمان بالله والعمل والدعوة et patienter. Si tu veux réussir, c'est هذا. قال وهم السعداء. السعداء ça vient de السعادة أي sont heureux. وقد أقسم الله على هذا بقوله والعصر. Et Allah subhanahu wa ta'ala quand il jure c'est que ce qui vient après c'est important. والعصر Allah il jure par le temps. Et il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit de jurer par les créatures. Les annahu, c'est le créateur. Amma nahnu, on est des créatures, on jure par le créateur. Man halafa bi ghayrillah faqad ashrak. Jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk. C'est du shirk asghar et ça peut être du shirk akbar, comme on a expliqué dans Kitab al-Tawhid. Et on le verra, inshallah, ensemble. Qala wa huwa sadiq subhanahu wa ta'ala wa illam yuqsim walakin aqsama li ta'kid al-maqab. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le véridique. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala il jure pour montrer l'importance du kalam qui va venir après. وَاللَّهُ subhanahu wa ta'ala يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ فَلَا أَحَدْ يَتَحَجَّرْ عَلَيْهِ فَأَقْسَمَ بِالْأَسْمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَأَقْسَمَ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَبِالضُّحَى وَبِالشَّمْسِ وضحاها وبالليل إذا يغشى وبالنازعات. Tout ça c'est des choses Allah subhanahu wa ta'ala il a juré par ces choses. والضحى والفجر etc. Il cite des exemples. وبالنازعات وغير ذلك لأن المخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة ولبيان عظم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته. كذلك الله يجور par ses créatures, il y en a, c'est des créatures عظيمes, et celui qui les a créées, c'est Allah. Donc celui qui médite sur ces créatures, fait le haqiqa, il doit arriver à une conclusion que le créateur, c'est Allah. Et si cette créature, elle est azima, fal khaliq, il est azam. Allah subhanahu wa ta'ala, il est akbar. Donc, ça, c'est parmi les profits de méditer sur la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qal wa annahu al-mustahiq lil-ibada wahda. On va voir cette mas'ala en détail. Adorer Allah seul est tawhid. Wa amma al-makhluq, falaysa lahu an yuqsim illa bi rabbih. فلا يقسم ولا يحلق نعم يا ذغر ولا يحلف ils ont mis un قاف c'est un ف ولا يحلف إلا بالله ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة ولا بالكعبة نعم كثير من الناس يجور par la Kaaba بعضهم يجور par الأمانة أو par la vie de un tel, la vie de son père, de sa mère. Tout ça, là, il juste. Les anna al-halif, tu dois jurer par quelque chose de azim. C'est pour ça qu'on jure par Allah, subhanahu wa ta'ala. قال ولا بغيرها هذا هو الواجب على المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. نعم, il y a beaucoup d'alfaz, hadith, et il est sahih. وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. طيب, celui qui jure, فَكِلْ jure par Allah, sinon il se taise. Et celui qui jure par Allah, فَلَا يُكْثِرْ des choses futiles, et il jure. Là, الحلف, ça doit être pour quelque chose de muhim. Et quand tu jures, c'est par Allah. أما jurer tout le temps pour des choses futiles, هذا c'est pas من تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله وأن تكون أيمانهم أيمان pas إيمان الإيمان c'est la foi الإيمان c'est juré أيمان بالهمزة مفتوحة أيمانهم كلها بالله وحده سبحانه وتعالى ces quatre مسائل cette introduction de l'usul الثلاثة العظيمة فرحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب. Il a éduqué des générations avec cette risala et tu vois les fruits. لأن celui qui applique que cette introduction الآن, ça va lui ouvrir des portes. Il va faire des efforts في العلم. Il va faire des efforts في العقيدة في الإيمان. Il va faire des efforts في العمل. Il va faire des efforts dans le da'wa. Il va patienter. Et il va, inshallah, parfaire son dit. On fait des efforts. On fait des efforts في الحفظ. On fait des efforts في المراجعة. On fait des efforts fi al-hudur et inshallah ta'ala on demande et inshallah ta'ala on est à la khair et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Man indahu shay par rapport à ce dars? Pour la prochaine fois, alhamdulillah, aujourd'hui vous avez récité le début, pour la prochaine fois vous apprenez de qal al-imam al-shafi'i jusqu'à la fin de la parole de l'imam al-bukhari, ou si vous avez pris l'avance, faites continuer. La récitation, ça sera sur ce passage. Si vous avez appris, enfin révisé, si vous n'avez pas encore appris, apprenez قال الشافعي, la parole de l'imam الشافعي, et قال البخاري, باب العلم قبل القول والعمل. Et si vous rajoutez le début, اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم, على كل مسلم ومسلمة, تعلم هذه المسائل الثلاث, طيب. حياكم الله, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك.